Les gens m'ont dit que Paris était si magique, que les cœurs les plus romantiques se laissent dérober par sa beauté du sel. Moi j'ai dû voir ce côté certes plus tragique, où des pauvres gens survivent sans fric sur le trottoir avec bébés et poussettes. Dans l'envers du décor, le dos de la carte postale, 3 millions de fourmis qui courent au sein de la capitale. Les lumières de la ville nous raconte son histoire et nous apporte un peu d'espoir. Je vous embrasse fort depuis Paname, le métro chante, le ciel est gris. Dans les rues de Paname.